a pas mal de filles en France qui s'appellent Marie-France. Elles sont vendeuses ou voleuses dans les rayons de prise unique. Et y a aussi, ouais, toutes les autres Marie-France. Ça fait beaucoup de Marie-France pour un pays comme la France. Tu connais Marie-France? Tu connais Marie-France? L'Algérienne est une vraie et parisienne. Son père était un soldat au service de la France. Marie-France, la Croatienne, est une vraie et parisienne. Son papa, elle connaît pas, mais elle sait que c'est un soldat. Tu connais